D'après le communiqué publié le 29 par le comité préparatoire du Côté Nord pour la conférence conjointe des partis politiques, organisations et personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne, est fondé le 27 courant le comité préparatoire d'Outre-mer, constitué des comités préparatoires de chaque région d'Outre-mer. Le comité préparatoire d'Outre-mer a décidé d'intégrer d'autres formations et personnalités qui veulent participer à la conférence conjointe. Dans la déclaration de constitution, le comité préparatoire a indiqué que la proposition sur la conférence conjointe est la solution la plus positive et réelle pour améliorer les relations Nord-Sud en situation catastrophique et ouvrir une nouvelle phase de la réunification indépendante. Ensuite, il a exprimé la volonté de déployer les efforts pour la réussite du grand rendez-vous de la nation. Par ailleurs, le 24 courant est constitué le comité préparatoire d'Océanie.